Dis-moi qui pense ça. Tu me critiques avec ta sorcière. Que tu me casses les couilles, vas-y. Je peux plus me voir ton hypocrisie. Imagine ce que j'en magasine. Sur pipi, c'est loin d'être facile. Ils sont tous en cavale. À quoi ça sert au final? Une moto de casse-caraille. Ça tombe pour assassinat. Je me demande pourquoi on est bon qu'à tout gâcher. Je l'aime avec les cheveux longs, les cheveux attachés. Même quand elle s'habille à l'arraché. Souvent, c'est quand y'a de les gens que ces bâtards ils veulent te devancer. C'est pas pour autant que si t'es dans la merde, ces bâtards ils voudront t'avancer. Alors c'est comme ça, entre eux et nous y'a vraiment un fossé. Les paroles et les actes, tout est faussé. À dire que même ton ami peut te grosser. Plus rien, il faut savoir tout faire. Si on veut la belle vie, c'est qu'on a trop souffert. Tu l'as mal pris, j'ai fait ce que j'ai pu faire.